cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالهجرة فمن يذكر تعريف الهجرة ما هي الهجرة عندك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الانتقال أي سان déplacement ce déplacement et ce délaissement أي tu délaisses بلد الكفر والشرك et tu te diriges vers un balad muslim. هذه هي الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها من أو ترك مكة et il est parti à المدينة عليه الصلاة والسلام. والهجرة لها فضائل عظيمة. Et on a فصل ولله الحمد cette مسألة dans plusieurs دروس. Et on avait expliqué الفضل فضل الهجرة et on avait expliqué des احكام et on avait cité des conseils de اهل العلم ولله الحمد والمنة فالسلوي qui veut détailler ce sujet أكثر on avait détaillé dans des دروس et علماءنا علماء السنة ils ont détaillé cette مسألة dans plusieurs livres ولله الحمد ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى ستة دو verset عليه رحمة الله pour démontrer أن الناس إذا ماتوا يبعثون والبعث c'est la résurrection comme ils traduisent أي أنهم seront ressuscités إذا ماتوا يبعثون أي يقومون من قبورهم أي الله سبحانه وتعالى il les fait revivre قال وبعد البعث محاسبون ومجزئون بأعمالهم donc هذا البعث أي القيام من القبور tous les êtres humains ils seront ressuscités يقومون من قبورهم pourquoi للمحاسبة أي pour les comptes celui qui a fait du خير il verra le خير celui qui a fait du شر والعياذ بالله فالشر قال والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى c'est ça الدليل il y a plusieurs preuves في هذا الباب الشيخ الإسلام تعلمون أن الرسالة c'est une رسالة مختصرة et pour chaque مسألة il cite un دليل ou deux لكن في مثل هذه المسائل on a déjà détaillé مع إخواننا dans كتب الاعتقاد العلماء في هذا الباب باب ما يتعلق بيوم القيامة البعث والنشور والحساب والحوض والصراط والجنة والنار etc. tout ce qui est lié avec الآخرة il cite beaucoup d'adilla قال ومن كذب بالبعث كفر أي celui qui croit pas au بعث أي la résurrection هذا سان كافر بالله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك وأجمعت الأمة على هذا فالسلوي qui nie qui rejette ce خبر et qui n'a pas cette عقيدة أن الناس إذا ماتوا يبعثون فهذا سنكافر بالله عز وجل قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الشاهد قوله عز وجل زعم الذين كفروا أي يبخطند هؤلاء الكفار أنهم لا يبعثون فالله سبحانه وتعالى كفرهم في هذه الآية قال شيخ ابن باز رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى répété رحمة الله عليه الأدلة في هذا الباب. قال فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة. Et هذا c'est مهم pour le مؤمن. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il cite à la fin de Al-Usul al-Thalat هذا الباب. لأن أخي الكريم et nous tous on est concernés, on rendra des comptes. فالإنسان il fait des efforts. فهم محاسبون. Et le مؤمن cette aqida, cette conviction أنه il rendra des comptes, c'est profitable pour lui في الدنيا. لأنه il n'est pas libre comme il prétend Al-Kafara. Il ne fait pas ce qu'il veut. Là, فستحاسب. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم ماذا تفعل وماذا تقول يعلم ما في قلبك. Et tout est noté. فالموفق c'est celui qui pense toujours à ce yawm, yawm al-qiyamah, et il fait tout pour faciliter à lui-même هذا اليوم. أما الكفار vu qu'ils n'ont plus cette chose كثير منهم, et même ceux qui croient au ba'th, c'est des mushrikoun kafara, et ils n'ont pas reconnu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que rasoul, en tant que nabi, et ils ne le suivent pas. فالمهم أن celui qui n'a pas cette aqida, ça devient comme un animal والعياذ بالله, لأنه il n'a plus cette chose qui va l'encourager à faire des bonnes œuvres ou à s'écarter du champ. فلهذا قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله سبحانه وتعالى نفهم أن الكفار يأكلون ويتمتعون أو يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام, أي يprofite et ils mangent comme les animaux, والنار مثوى لهم, et leur refuge ça sera النار. Pourquoi? لأن comme des bêtes Allah subhanahu wa ta'ala les a créés les hikmah pour que l'être humain il en profite et il mange, il dorme, il se reproduit. C'est ça al-baha'im. Amma nahnu la. Allah subhanahu wa ta'ala akram al-ibad bil-aql et il a envoyé à chaque peuple un rasoul et il leur a montré al-hujja bil-kutub. Fa'ala al-insan il fait des efforts fi hadha. Limadha? Li'annahum muhasab. Il rendra des comptes. Ba'dun nas, quand il s'agit de dunya, rubbama une petite chose, il doit rendre des comptes. Imma une affaire de justice, imma pour un emploi, imma pour le permis de conduire, imma pour le diplôme. Tu le trouves avant son examen, il fait des efforts jiddan. Rubbama la yanam. Et rubbama il fait des sacrifices. Amma hadha al-an, c'est un examen azim, c'est hisab. À la fin, c'est janna ou nar. Hadha. Enfin, les efforts que certains y font fi dunya pour quelque chose d'éphémère, quelque chose de futile. فَنَحْنُ الْأَنْ سَدَارَ الْآخِرَةِ. Et le plus grand effort que tu peux faire, أَخِي الْكَرِيمِ, c'est fi tawhid. Il y en a ce qui sauve les gens, يَوْمُ الْقِيَامَةِ, c'est tawhid. Le plus grand effort que tu peux faire pour ce jour, c'est des efforts fi tawhid. Et l'application de ce tawhid, bien sûr. Et la chose que tu dois faire des efforts, c'est ce qui fait rentrer les gens fin nar. Et c'est quoi la cause qui fait rentrer les gens fin nar? C'est shirk ou al-kufr. En tant que musulman, tu dois savoir c'est quoi shirk ou al-kufr, hatta tu t'en écartes. Et tous les péchés qui suivent al-shirk, on s'en écarte. Al-qatl wa al-zina wa al-sariqa. Lakin, travailler les fondements, c'est muhim. Amma ba'd al-nas, ils mentent pas. Ils font des efforts, ils mentent pas. Ils volent pas. Ça, c'est tayyib. C'est muhim. Lakin, tu les trouves, ils ont un tasahul fi shirk. Wa man mata ala shirk, il est fi nar. Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiya Allah yushriku bihi shay'an dakhala al-nar. Hakadha qala nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa Sheikh al-Islam il te cite ce bab à la fin pour te montrer akhi al-karim tout ce qui t'a cité. Et les trois fondements, ma'rifatullah wa ma'rifat din al-islam wa ma'rifat an-nabi. Tout ça, c'est pour toi. Si tu fais des efforts, tu auras un jour où tu seras jugé, tu auras des comptes à rendre, et ces trois fondements, ils te seront utiles. Dites-le. قال شيخ بن باز فهم محاسبون ومجزيون بيوم القيامة ويعطون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم الكتب صحائف الأعمال chacun y recevra son livre كِرَامًا كاتبين قال عز وجل أي des anges qui écrivent الصحف toutes tes œuvres elles sont écrites من خير ومن شر فَشَكَّ يوم القيامة ce passage qu'il a eu fait de dunya pour œuvrer c'est tout retranscrit dans ce livre et certains y prendront leur livre بِالْيَمِين المسلمون المؤمنون الموحدون et d'autres y prendront بِالشِّمَال الكفرة المنافقون toute cette étape fait de dunya الآن les comptes et ce jour يوم القيامة les comptes فَبَعْضُهُمْ y prendront leur livre بِالْيَمِين et d'autres بِالشِّمَال قَالَ فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله السعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه كذلك الميزان فمن ثقلت موازينه قال عز وجل ذكر الميزان dans plusieurs versets et tout ça on l'a vu en détail في اللمعة في لمعة الاعتقاد فبعضهم et c'est là que tu vois l'importance des efforts. Ne crois pas que les efforts que tu fais dans ton din, il n'y a pas d'utilité. Là, esbir, tout ce que tu fais, c'est enregistré. Faqat fait des efforts sur deux choses, la sincérité, liana al-amal al-ghayr al-salih, Allah il l'accepte pas. Ana aghna shuraka 'an ash-shirk, qala 'azza wa jalla fi hadith al-qudsi, man 'amila 'amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirka, fait des efforts fi l'ikhlas. Et fait des efforts fi mutaba'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, liana al-bid'a mardouda ala sahibiha. Toutes les œuvres, même si l'insan il a une bonne intention, lakin il fait un amal et il ne suit pas un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce amal il n'est pas maqboul. Comme a dit le hadith Aisha radiallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Si tu fais des efforts, akhi al-karim, dans l'amal, tu fais des efforts fil ilm. Tu fais des efforts fi tawhid, l'application du tawhid. Tu fais des efforts fi ma yata'allaq bi l'ibadat, arkan al-islam, al-salat. Si tu as de l'argent, al-zakat, si tu as de l'argent et la capacité, al-hajj, siyam ramadan. Et tu fais des efforts, l'application de la sunnah. Kadalik, tu fais des efforts dans le comportement. Tout ça avec sincérité et wifqan li hadi nabi alayhi salatu wassalam. Tout ça, tu le trouveras yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, la yadlim ahad. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ c'est quelque chose de très petit. Allah subhanahu wa ta'ala قال يَرَى il le verra. وَالْعَكْسِ بِالْعَكْسِ les péchés ça fait du mal. جِدًا أَمَّا الْكُفْرُ وَالشِّرْكِ فَسَ أَنُلُ الْأَعْمَلِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْوَطَنَّ عَمَلُكَ أما الشرك ولو si هذا الإنسان يوم القيامة il vient et il a fait al-hajj wa salat wa siyam et il a été généreux et il a aidé les autres etc. S'il a fait du shirk, ça lui annule tout. S'il n'a pas fait de shirk, ça fait du mal. Ça fait du mal. Il y en a si, comme ça y est, il y a un chef de base. Si ses péchés l'emportent sur ses hasanat, fait le mizan, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, il rentre fin nar. Et nous, on a une aqida, si c'est un musulman, un mouahid, il sortira de l'Allah. Lakin ce passage fin nar, c'est pas simple. Qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, wal kafir yakhuffu mizanu. C'est quoi la différence entre ce kafir et ce musulman? Si tu te poses la question, est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est l'origine? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est l'intelligence? Rien de tout ça. La différence, c'est que le musulman, il sera sauvé, et le kafir, il sera fait nar, wal'iyadu billah, à cause de ses œuvres. La différence, et le principal, c'est l'a'mal. L'a'mal et l'aqidah. Qala fa ashabu al-ma'asi ala khatar, faqad yurajjih mizanuhum bit-tawbah, ou yurajjih mizanuhum bit-tawbah, ou bi'afwillah. أو بالحسنات l'importance de l'istighfar et de التوبة ربما واحد يوم القيامة il a beaucoup de سيئات c'est un musulman il a cette حسنة عظيمة التوحيد il a fait الصلاة c'est un musulman لكن ذنوب كثيرة فالله سبحانه وتعالى يرجح أي son ميزان الحسنات elles seront plus lourdes que السيئات لأنه il a fait التوبة الله سبحانه وتعالى lui pardonne ses fautes الاستغفار كذلك أو بالحسنات كذلك il a fait des péchés لكن il a fait aussi des efforts في الحسنات فلا balance elle penche du côté des حسنات قال وقد يقف ميزانه فيكون من أهل النار et il peut avoir un manque في العمل un manque في الاستغفار un manque في التوبة et il n'était pas sérieux ce musulman il faisait des ma'asi فيوم القيامة il va في النار قال فالواجب أو قبل ذلك قال فيكون من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله certains musulmans ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية الله سبحانه وتعالى les châtira ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام لكن يستخرجهم من النار عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم الموحد même s'il rentre في النار il restera jamais éternellement en enfer أبدا خلافا للخوارج الضلال المنحرفون يعتقدون أنه سيمو على كبيرة من الكبائر أنه إلي في النار إسان كافر أما عقيدة أهل السنة فلا فالواجب على كل مكلف أن يحذر السيئات العمل c'est ça المهم c'est ça que tu retiens أنت لأن cette conviction que tu as بالحساب بالجزاء الجنة النار tout ça ça doit se voir sur tes أعمال ça doit se voir لأن tu sais que tu rendras des comptes tu as une barrière, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu sais que si tu fais du bien, et le bien, c'est ma ja'a fil Qur'an wa sunnah. Le bien, ce n'est pas ce que les gens y pensent, ou ce que les gens y veulent, ou ce que les gens y font. Là, le bien, c'est ma ja'a fil kitab wa sunnah. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est bien, c'est bien. Walau kariha al kafirun. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est mauvais, c'est du shar, c'est mauvais. Walau qala ahadun minan nas annahu, c'est bien. Donc dès que tu as ce genre de principe anta et tu fais des efforts wa tasta'in billahi azza wa jalla wa tasta'in bis sabr wa s-salah wa tasta'in bid du'a tout ça inchallah c'est tariqatu al falah. L'insan il n'est pas ma'soum. Ça arrive de glisser, ça arrive de se tromper, ça arrive de pécher. Lakin toujours on se rappelle hada al yawm et si on fait une erreur, tawba. On se trompe, istighfar. Et abandonne jamais. Abandonne jamais. تأمل قوله هنا قال ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام لأن الأعمال بالخواتيم أي tu seras jugé sur la fin que tu as eu si tu es mort à l'islam والله الحمد تي مسلم et celui qui meurt على الكفر c'est un kafir même s'il a fait des أعمال avant même s'il a fait des années de salat de siyam il a fait plusieurs fois le hajj et il meurt à la shirk ou le kufr, à la ridda, il meurt à khasir. Donc, comment faire pour avoir une fin heureuse? Awalan, la régularité. Si tu es régulier, si l'ange de la mort il vient pour reprendre ton âme, tu es à la khayr. Kadhalik, ad-du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent ce dua ya muqallib al qulub thabbit qalbi ala dinik ala ta'atik l'ange de la mort revient et ala khayr كذلك et c'est aham al-shurut al-ikhlas al-mukhlis Allah subhanahu wa ta'ala il le laissera jamais donc avec ses efforts inshallah al-insan il aura une bonne fin inshallah ta'ala. Bien sûr, l'ilm, bien sûr, les efforts. قال فالواجب على كل مكلف أو كل مكلف مكلف بفتح الله أي مكلف من الله الله سبحانه وتعالى كلفه قال أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, toujours, tu fais des efforts. Toujours, al-tawhid, al-ikhlas, al-istiqama, al-du'a, al-thabat. Et si, al-maut, tel jour il vient, telle heure, t'es à la khayr. Amma ba'duhum, un jour il fait salat, un jour il délaisse. un jour yatlub al-ilm, après il délaisse, il est à l'astiqama, tout ma il délaisse. Wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf, ba'dhum izadu Allah ala harf kama qala azza wa jalla, ils sont pas à la thabat. Hada c'est khatir jiddan, surtout s'ils sont éprouvés. S'ils sont éprouvés, tu seras éprouvé, akhi al-karim, fa hadi dar dar ibtila, ربما il délaisse tout, il baisse les bras. Asbir, asbir, c'est un passage. Faqat patiente, t'es à la khair. Tant que t'es à l'islam, ou vu l'islam, t'es à la khair. Et ça, c'est un passage, faqat, cette dunya. Tu seras éprouvé la pauvreté, tu seras éprouvé par la maladie, tu seras éprouvé par des ennemis de l'islam. Lakin, asbir. L'aqibatu, lil muttaqin. Et celui qui meurt à la khair, il a tout gagné. Qala fal hazm, kullu al hazm, an ya'khud al muslim bil azima. Al-hazm, c'est la fermeté. Sois ferme dans ton din. Al-hazm, kullu al-hazm, an ya'khud al-muslim bil-azima. Accroche-toi à cette ni'ma, c'est a'azam al-ni'ma. Al-islam ou l'istiqama. L'istiqama à la sunna. Accroche-toi à cette ni'ma, c'est la plus grande des ni'ma. C'est pour ça que a'da'ullah, min shayatin al-ins wal-jinn, ils feront tout pour t'enlever cette ni'ma. C'est pour ça, accroche-toi. Accroche-toi. Wallahi, t'es envié par cette ni'ma, ou à cause de cette ni'ma. Kathir min al-a'da, ils t'envient et ils veulent te faire du mal. Les annahum, ils savent que c'est le haqq. Et Allah, il les a pas wuffaq. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, il mérite pas. Ha'oula. Falamma zaghu, azagha Allah qulubahum. Anta, accroche-toi. Accroche-toi et ne gaspille pas cette ni'ma pour des futilités. Pour quelques dirhams, ou pour une passion, ou à cause de menaces. Là, esbir, t'es à la khair tant que tu suis la sunna. Qala wa tawbatu an-nasuh min jami' adh-dhunub wa tawbu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun wa at-ta'ib kama la dhanba lah. Celui qui fait tawba, il a plus de dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout bit tawba. Donc on a cette ni'ma كذلك. Ta ni'ma tu l'istiqama. Aïe, la guider. Tu sais que t'es un être humain et t'as des faiblesses. On a tous des faiblesses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé et tu peux faire des erreurs. Lakin, une autre ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, at-tawba. Tu t'es trompé, fais tawba, t'es pardonné. C'est une ni'ma azim. Si à chaque fois que tu te trompes, tu fais tawba, quand on dit tu te trompes, ça ne veut pas dire l'erreur, c'est pas volontaire là. Mais si tu as fait une erreur involontairement, tu n'es pas pris en compte. Allah subhanahu wa ta'ala tajawaz ala hadhi l'umma al-khata wa al-nisyan. Comme le hadith ibn Abbas. Là, nous, quand on dit tu te trompes, hey, tu khalif al-sunnah, al-kitab. Hey, tu fais des dhunub. Fafi hadhal hal, tub ila Allah azza wa jal. Laisse pas le shaitan rentrer, mit la ba'd al-nas, il prétend que j'ai été trop loin. Je peux plus revenir. Moi, ce que j'ai fait, c'est trop. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Al-kafir, al-mushrik, al-mulhid. Ceux qui combattent l'islam, s'ils font tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne tout. Anta, alhamdulillah, t'es à la khair. Lakin, on fait attention à un autre bab de shaitan, une autre porte de shaitan, anna ba'dahum, ils font des dhunoub et ils disent, de toute façon, je vais faire tawba. De toute façon, je ferai tawba. Là, ça, tu sais pas. Peut-être que tu vas le faire, et l'ange de la mort, il descend. Là, enfin, entre les deux, on ne désespère pas. Une erreur, une faute, un péché, on ne peut plus se rattraper là. Et kadhalik, ne pas prendre confiance. Ne pas prendre confiance et penser que tes péchés ne te feront aucun mal. Comme ils font, al-murji'a. Là, entre les deux, khawfun ورجا. قال حتى إذا هجم عليه الأجل. الأجل c'est son heure, أي الموت. قال إذا هو على خير عمل وعلى استقامة فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. نعم, ses efforts, cette régularité, cette fermeté, ثبات وحزم, tout ça, Inch'Allah, tu récolteras les fruits, akhil karim, yawm al-qiyama. Et yawm al-qiyama, c'est As-sa'ada. Sa'ada, c'est al-khuloud. C'est l'éternité. Et ça, ça montre, rahmatullahi azza wa jal, quelques années de patience et de fermeté. Et malgré que tu fais des erreurs, tu fais des péchés, Allah, il te pardonne si tu fais tawbah. Et il pardonne à qui veut, azza wa jal. Et ces efforts, fil haqiqa, qui ne sont pas énormes, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne al-jannah éternellement. Afi hada, celui qui veut faire des efforts, ça fait hada. L'avenir, c'est hada. La tartar, ceux qui nuit et jour, ils parlent d'avenir, c'est que de la dunya, c'est que du tam'a. Ba'dhum, ils pensent plus à l'akhira. Vous avez remarqué, hada, leurs enfants, leurs amis, leurs voisins, ils parlent que d'avenir. L'avenir, c'est le maut. L'avenir, c'est la mort, tu mourras. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'efforts fit dunya. Là, tant que c'est halal et ça ne contredit pas de din, et l'insan il prend soin de lui, de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Tayyib. Lakin a'zam min dhalik, c'est l'avenir, c'est yawm al-qiyam. Et si l'avenir de dunya il prend le dessus sur l'avenir de l'akhirah, c'est plus un avenir, c'est une fitna. Wallahi, c'est une fitna. Et ça te sera d'aucune utilité. Fi qabrik. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Jamais on te demandera sur un diplôme de dunya ou sur l'argent ou sur ta voiture, ta maison, jamais. Première question, c'est ma yata'alq bi dinik, fait donne l'importance au din. Et si dunya ça suit fil halal, il n'aime. Kam min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'était des arniya. Et ils faisaient du khayr. Cette dunya qu'ils avaient, elle était au service du din. Et ils profitaient, walillahi alhamd, fil halal. Lakin dunya, elle prend dessus sur din. Celui qui ne fait pas attention, cette dunya le prendra dessus sur son dîme et il oubliera ce point. Il oubliera. Et vous le voyez, il pense qu'à l'argent. Hatta la mort elle vient. Ou si c'est la maladie ou une musiba, il fait tawba, c'est un khayr pour lui. Lakin si la mort elle vient, et ni ilm, ni salat, ni siyam, ni zakat, ou la shay min ad-din, il est fi khasar. Et c'est bien les efforts qu'il a fait. Ta'ammalou al-khidla. Ta'ammalou al-muziba. Tous les efforts qu'il a fait, c'est bien ces voitures. Après sa mort, ils sont partagés. Plus personne pense à lui. Si il pense à lui de temps en temps, là, qu'un acteur ou il pense plus. Il se partage. Si à moi, là, il profite. Hada, il prend sa voiture. Hada, il prend sa maison. Hada, il prend son argent. Et lui, il est enterré. Et il est tout seul dans son qabr. Nous, on fait des efforts pour cette étape. Amma ad-dunya fil haqiqa sahl. Tu manges, tu bois, t'as un foyer, alhamdulillah, ça passera. Qala Sheikh al-Islam ba'da dhalik wa arsala Allah jami' ar-rusul mubashirina wa mundirin wa ad-dalil qawluhu ta'ala rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa awwaluhum Nuh 'alayhi as-salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. قال شيخ بن باز والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى جميع الناس الى الجن والانس. نعم. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ses rusul pour montrer aux gens iqamatul hujja 'ala an-nas. Et vous aurez des comptes à rendre. Vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé al-jannah wan-nar. Et ses rusul ils te montrent tariqatu al-jannah. Comment arriver à l'Jannah et tariqatu an-nar. Comment te préserver de l'Nar. Qala, kama qala ta'ala, qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bashiran wa nadhira. Bashir wa nadhir. Bashir, ça vient de al-bushra. Et pour t'annoncer la bonne nouvelle. Wa nadhir, c'est pour t'avertir. T'avertir contre un châtiment douloureux. Anta, t'es un être humain, t'es concerné. Pourquoi? Lian Allah qala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. C'est pour tout le monde, hada. Et dans l'autre verset, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Donc profite de cette ni'ma. Une des plus grandes ni'am, si c'est pas la plus grande pour l'insan, bien sûr, c'est din l'islam. Et ce din l'islam, tu l'appliqueras, tu le comprendras grâce à hada, ay Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers. Elle donne de l'importance à cette chose. L'étude de cette risale, cette révélation, le messager, il est venu avec quoi? لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Et toi tu fais partie de الناس. Donc ce rasoul il a été envoyé pour toi. Il a été envoyé avec quoi le rasoul? Avec le Coran. Et bien sûr ses faits et gestes عليه الصلاة والسلام. السنه. Étudie ces deux points si tu veux السعادة. قال وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. Notre prophète عليه الصلاة والسلام محمد c'est le dernier des prophètes. La nabiyya ba'di qala alayhi salatu wasalam. Et celui qui croit annahu ya nabi après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasalam yakfur billahi azza wa jalla. Qala wa hakadha ar-rusul jami'an ursilu ila umamihim mubashirin wa mundhirin min awwalihim ila akhirihim. Chaque messager est venu pour hada. قال فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قوم نوح الله سبحانه وتعالى il envoya son peuple et انهم وقعوا في الشرك. Vous avez remarqué que à chaque fois qu'on parle du message des رسل c'est pour mettre en garde contre الشرك et appeler au توحيد. كما قال عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا الشرك. Donc c'est ça le point essentiel fi din l'islam. Connaître at-tawhid et s'écarter du shirk. Toutes les autres ibadat ça vient après. Pourquoi? لأن الصلاة والصيام والزكاة والحج si c'est pas fondé sur tawhid et c'est fait pour autre qu'Allah, c'est d'aucune utilité. Donc la base, on fait des efforts sur la base awwalan, thumma tout ce qui vient après inshallah si c'est fondé construit sur cette base, le musulman il est à la khayr. قال فأولهم نوح بعثه الله أو بعثه لما وقع الشرك في قومه وقبله آدم. Il manque un mot هنا وقبله آدم. نعم الجملة لا واضحة. أما أول الرسل كما قال شيخ الإسلام كما قال شيخ ابن باز سنوح. أما آدم سنبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام هنا إلى وقبله آدم كأنه آدم نبي لأن ما كان ثم يغبال دو نوح رحمه الله أي شيخ ابن باز يغبال دو نوح عليه السلام قال أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم فنوح il est venu après آدم أما آدم c'est le premier être humain عليه السلام أما نوح il a été envoyé أي pour appeler la descendance de آدم كثير منهم ils sont tombés في الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Nuh pour appeler ha'ula au tawhid. Qala arsalahu Allah li durriyatihi li ya'budu Allah bi shari'a allati ja'a biha abuhum Adam alayhi salatu wassalam wastamarru 'ala al-islam wal istiqama hatta waqa'a ash-shirk fi qawm Nuh. Donc après Adam sa descendance ils étaient à la tawhid et les enseignements qu'il leur a montré Adam. Thumma à l'époque de Nuh بدأ الشرك ينتشر. قال فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا أنهم ils ont représenté leurs awliya et ils ont fini par les adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur a envoyé Nuh pour leur montrer التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. Naam, le premier rasoul c'est Nuh. Amma, ce qui est répandu dans certains livres ou dans les arbres qui font généalogique pour représenter l'anbiya, ils mettent Idris avant Nuh, fahada c'est khata. Awwal rasoul ila ahli al-ard c'est Nuh. Amma Idris il est venu alayhi salam après Nuh. Qala wa kullu umma ba'atha Allah ilayhim rasoulan. On a cité al-dalil. Fa'ad أرسل الله أي قوم عاد أرسل الله إليهم هودا لبروفيت هود ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود لبوبل دو ثمود الله il leur envoyé صالح ثم أرسل إبراهيم ولوط وشعيب. إبراهيم خليل الرحمن c'est un رسول c'est أفضل الرسل après notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم. لوط كذلك c'est un نبي وشعيب كذلك. قال وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم, il a cité quelques messagers et quelques rasouls, et le dernier, celui qui clôture al-risala, et il n'y a pas de nabi après lui, c'est notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في المتن وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده أي الأنبياء sont venus après نوح آدم. On a des adillah, annahu, c'est le premier, Abu al-Bashar, et c'est un nabi. Thumma, lamma waqa'a al-shirk, dans la descendance de Adam. Et des années après Adam. Allah, il a envoyé Nuh. Thumma, les anbiya qu'il a cités, Cheikh Abdelaziz, rahmatullah alayhi. Qala Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, thumma khutimu bi Muhammadin alayhi salatu wassalam, wa huwa khatimuhum, wa akhiruhum, wa afdaluhum, afdalul anbiya. آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة. C'est ça la bonne nouvelle. Ceux qui obéissent aux messagers, فهؤلاء بالجنة. قال ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم. Ils avertissent, ils mettent en garde contre le shirk. Thumma, ils démontrent que celui du shirk va finir en nar. Ils mettent en garde contre هذا. Et al-adab, bien sûr. Al-nar, c'est al-adab, le châtiment. إِذَا خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ. Ceux qui désobéissent aux messagers, فَهَاُولَا وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ, ils ont خَالَفُ أَمْرَ اللَّهِ. وَهَاكَذَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بَشِيرًا ونذيرا كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc ton dîn tu le prends من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى il l'a envoyé pour qu'il te montre chaque khair et te met en garde contre chaque mal. Donc ne prends pas ton dîn de ceux qui contredisent هذا النبي الكريم. قال فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى. Bien sûr, chaque umma suit son messager, لكن chacun doit croire en tous les messagers. نحن on suit notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, لكن on croit au message de Moussa, de Isa, de Adam, de Nuh, de Ibrahim, chaque messager. لأن comme on a vu, من أركان الإيمان الإيمان بالرسل أي بجميع الرسل. أما السويفي شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة سنته عليه الصلاة والسلام. قال وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة وأكثر الخلق قد عصوا نعم من العصيان عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل. Et on vous a déjà cité hadith ibn Abbas, anna yawm al-qiyama ya'ti nabiyun min al-anbiya wa ma'ahu al-rahd. Et al-rahd, c'est une jama'a d'une dizaine. Wa ya'ti nabiyun min al-anbiya wa ma'ahu al-rajul wa al-rajulan. Un nabi yawm al-qiyama, il viendra, il n'aura que deux suiveurs. Wa nabi min al-anbiya ya'ti wa laysa ma'ahu ahad. Un nabi, il viendra yawm al-qiyama, il est tout seul, personne l'a suivi. Fa akthar al-khalq, ils ne suivent pas l'anbiya. Ça te montre, akhi al-karim, la taghtar bil kathra abadan. Fais attention au plus grand nombre, aux avis qui sont propagés le plus. Ça ne veut pas dire que c'est forcément haq. Akthar an-nas al-an, ils sont à la batil. Fait tout ce que tu vois, la plupart des choses que tu vois les gens qui font, ou qu'ils approuvent, ou qu'ils propagent, ihdhar. Lian al-haq, il est combattu. Al-haq, il est qalil, qadiman, wa hadithan. Aïe, à l'époque et de nos jours. Donc le haq, c'est ma ja'a bihi ar-rasoul. Si c'est propagé, alhamdulillah, c'est du khayr. Si c'est pas propagé, ça reste quand même le haq. Et on doit le suivre. Amma al-kuffar al-an, ils ont propagé des principes. Ce qui est bien, c'est fortement ce qui est majoritaire. Et ça, c'est batil. Notre din, c'est pas fondé sur ça. Kam al-an, minan nas, ils connaissent pas des sunan. بل des wajibat, بل des choses, des fondements de notre dîn. كم من الناس ils les ignorent ou ils les combattent, من الكفار, من المنافقين, من الجهال. Est-ce que ce combat ou cette chose qui est minoritaire l'un, ce haq, c'est plus haq parce que la plupart des gens ils le combattent ou ils l'ignorent? لا. قال وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين نص من القرآن قال وما أكثر الناس أي la plupart des gens ولو حرصت بمؤمنين même si tu fais des efforts ça ne sera pas des croyants سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن أكثر الناس sont على باطل والعياذ بالله الآن notre واقع si tu viens et tu analyses, la plupart des gens, ce ne sont pas des musulmans. La plupart des gens, il n'y a aucun doute que c'est des kafara. Les musulmans, ils sont aql. قال وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et ça, c'est une faïda azima pour toi. وإن تطع, si tu obéis à la plupart de ceux qui sont fait l'ard sur terre, ils t'égareront. Donc, obéis à Allah et à son messager, وحذر. Ihdhar des pensées, des principes, des choses qui sont répandues et ils n'ont aucun lien avec notre dîn. Ihdhar. Wa qala ta'ala wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Ay, ceux qui shkurent Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent le haq, ils sont qalil. Wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Qala wa qala ta'ala wa laqad saddaqa alayhim iblis dhannahu illa fariqan min al-mu'minin. La plupart des gens, ils ont suivi Iblis. Illa fariqan min al-mu'minin. Sauf un groupe de mu'min. Donc, fais des efforts pour suivre le haq. Ne fais pas des efforts pour suivre le plus grand nombre. Là, ça te fera du mal. L'an Allah subhanahu wa ta'ala, il nous démontre dans ces versets, la plupart des gens, ils ne sont pas à la haq. Donc, fais des efforts pour suivre ce rasoul qui t'a été envoyé. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, beaucoup de gens ils le suivent. Walillahi alhamd. Donc le khayr il est mawjoud. Qala l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab ba'da dhalik wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasulan min Nuh ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala ya'muruhum bi'ibadati Allahi wahdah wa yanhaahum 'ani at-taghut. Qala Sheikh Abd al-Aziz wa kullu rasul يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته أو طاعته وترك الشرك به ومعصيته قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا الطاغوت فسيسا دين الله سبحانه وتعالى سيسا دين الرسل التوحيد السكاحتي جو الشرك قال شيخ الإسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ما تجاوز به العبد حده أي dépasser les limites dans ces choses. Imma l'adoration, wa l'ayadu billah, il adore autre qu'Allah, c'est un ta'ouf. Aw matbou, il suit autre qu'Allah, aw muta, il obéit à autre qu'Allah. Bien sûr, avec des tafasil. Mais celui qui est adoré et il n'a jamais appelé à hada, ce n'est pas un ta'ouf. Isa, alayhi salatu salam, c'est un nabi, c'est un rasoul, et il est adoré. Al-Nasara, il l'adore, et ce n'est pas un ta'ouf, ma'adallah. Là, un ta'ouf, c'est celui qui appelle à hada, il agrée hada, il accepte hada. ولعل شيخ ابن باز يبقى نبه قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راضي هذا ابن القيم نعم إلا ستي celui qui est adoré et il est satisfait il a appelé هذا أما كثير من من من الصالحين من الفضلاء من الأنبياء sont adorés من دون الله لكن ils acceptent pas هذا قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا أو ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال هذا هو معنى لا إله إلا الله إلى آخره قال الشيخ عبد العزيز والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راضي نعم bien sûr avec هذا القيد انه الى عكسه وكل من حكم بغير ما انزل الله او دعا الى ذلك وهذا فيه تفصيل شيخ بن باز lui-même il a cité ce tafsil ان في الحكم بغير ما انزل الله c'est pas tous ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah c'est des tawaghit لا الانسان يحذر من الجهال في هذا الباب التكفيريون الخوارج كسوا داعش الخبثاء أو القاعدة المجرمون ils insistent دائما sur ce point فقط والله ils donnent aucune importance à beaucoup de points de deen بل ils s'autorisent des choses eux-mêmes لا يحكمون بما أنزل الله في أنفسهم ils s'autorisent à faire des injustices à voler dans certains cas à ressembler au kafara. Et hada, vous connaissez, Bardoum, il s'autorise à se raser, à s'habiller comme un kafir, soi-disant pour ne pas se faire remarquer. Qui c'est qui t'a autorisé hada, ayyuhal jahil? Naam, tout ça, est-ce que t'as appliqué hukmullah? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Fatarahum yurakizun ala hukam al-muslimin. Kathir minhum, il parle plus des kafara. Daiman, sur al-muslimin. فلا تغتر بهذا لا تغتر الحكم بغير ما أنزل الله il y a un tafsil qui est fondé sur des adillah et on l'a lu ensemble في درس اللمعة et on le relit هنا لأن c'est مناسب et on lit كلام شيخ عبد العزيز بن باز لأن on lit son شرح فمن المناسب أن on lit son كلام هنا قال شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه dans une fatwa elle est propagée sur son site ils lui ont demandé sur al-hukm bighayri ma anzalallah qala hadha fihi tafsil et ça c'est important akhi al-karim de connaître tafasil al-umur fi al-masail il y a des masail la réponse c'est pas oui ou non matalan al-hukm bighayri ma anzalallah est-ce que celui qui juge par autre que les lois d'Allah c'est un kafir on dit oui ou non là il y a un tafsil qui est fondé sur des preuves qala wa huwa أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر عند جميع العلماء celui qui a la conviction أنه c'est autorisé أو c'est pareil que les lois d'Allah ou que c'est mieux. Tu as trois cas. Hada, c'est un kafir. Qal Sheikh Abdelaziz, inda jami' al-ulama. Imma, il dit que c'est autorisé. Ay, le hukm d'Allah, c'est mieux, lakin, c'est pas interdit. Hada, yakfur. Pourquoi les annahu, il autorise une chose que Allah, il a rendu haram. Ou, deuxième cas, il dit que c'est pareil. Il dit, na'am. La loi d'Allah, c'est tayyib. Et, jugé par la loi, autre que la loi d'Allah, kadalik, c'est tayyib. C'est la même chose. Je fais ça ou ça, c'est pareil. Yakfur. Pourquoi les annahu, il autorise une chose que Allah, il a rendu haram. Troisième cas, et c'est le plus grave, annahu, il dit que autre que les lois d'Allah, c'est mieux que les lois d'Allah. Ahada yakfur bil ijma'. Les annahu, il fait passer quelque chose, ou il rend quelque chose qui vient pas d'Allah mieux que les lois d'Allah, azza wa jal. Il reste un cas, qala Sheikh Abdel Aziz, on retasser, les annahu, c'est long. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكن قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أهل العلم Ils ont dit كفر دون كفر أي s'il juge par autre que les lois d'Allah Azza wa Jal et il reconnaît qu'il fait une erreur et il reconnaît que les lois d'Allah elles sont meilleures donc il sait que c'est un pécheur lakin pourquoi il fait ça comme a dit Sheikh Ibn Baz imma li hawa imma des passions wal a'yadu billah imma il affaiblit imma des pressions min al kafara al muhim il sait qu'il se trompe fahada on n'a pas le droit de dire que c'est un kafir c'est ça al sahih et c'est ça al-wadih et le nasiha c'est que al-ikhwan ils font des efforts sur eux-mêmes Toujours il regarde les gouverneurs. Il a dit, il n'a pas dit. Ya akhi, fais des efforts sur toi-même. Et fais des du'as à ce gouverneur tant que c'est un musulman. Et on ne se précipite pas dans le takfir. Le takfir, ce n'est pas pour tout le monde. Khassatan dans ces masa'il. Takfir, ça revient à ahl al-ilm. Surtout dans ce qui est lié avec les gouverneurs, etc. Et t'as gagné quoi, anta? Wallahi ba'duhum, nuit et jour, il a fait. Ils ont dit, hatta yanharif. C'est ce qui est arrivé à Haoula al-Juhal, ceux qui ils ont rejoint Daesh, min al-Shabab. C'est le jahl, l'ignorance. Wallahi, kathir minhum, c'est des frustrés, des juhal. Ils ne faisaient pas d'efforts dans l'ilm. Et nuit et jour, internet, nuit et jour, des vidéos. Est-ce que regarder une vidéo, c'est t'as appliqué la loi d'Allah Azza wa Jal? Aïna qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ashaddu an-nas adaban yawm al-qiyam al-musawwirun. Qui c'est qui t'a autorisé à regarder? Regardez, en plus des masa'ib, du munkar, des choses, yaqtuluna bi ghayri haqq, etc. Des choses, ils font du mal à la umma. Qui c'est qui t'a autorisé de regarder et d'approuver ça? Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhulu al-mala'ika baytun ou baytan fihi kalbun ou surah. Les anges, ils ne rentrent pas dans une maison où il y a des représentations. Et anta, tu regardes ces vidéos, c'est des représentations. Si on applique l'un, tu n'as pas appliqué les lois d'Allah. Enfin, pourquoi tu reproches aux autres et anta, tu ne fais pas d'effort? Na'am, ba'dhum, ils sont fi bilad al-kufr. Tu as jugé par les lois d'Allah. Tu critiques ce gouverneur musulman qui est dans un pays musulman. Et huwa, il est inda al-kuffar. Il profite des aides, il profite de leur beaucoup de choses. Thumma, il veut se rebeller seul. Ça, c'est min al-daya', c'est min al-jahl. Est-ce que si tu appliques les lois d'Allah Azza wa Jal, hajir fi sabilillah, sors min bilad al-kufr et va dans un bilad muslim et ta'addab et entraide-toi avec les musulmans et patiente. Hada. Amma kathir minhum la, ils font plus le hijra sauf dans un pays. Tous les autres pays c'est des bilad kufr. Na'oudou billah. Hada, c'est ça le résultat de s'éloigner de ahl al-ilm. Et internet et les réseaux sociaux et ils se font des fatawa entre eux. Wal'ayadou billah. Hatta harafou. Et al-qawm, ils sont manipulés. Sha'ou am abou. Wallah, ils sont manipulés. Al-kuffar, ils s'en servent. Et eux, ils croient qu'ils sont dans un jihad et combattent le kuffar. Ils font que du mal. Ils font que du mal aux muslimines. Nassallah subhanahu wa ta'ala. An yakfina sharrahum. Aïe, Daesh. Et tous ceux qui s'apparentent à eux ou qui approuvent ce qu'ils font. Annahum, ils sont à la sharr wa talal. Al-haq, c'est le Qur'an wa sunna. Al-Qur'an wa sunna, il était avant ce groupe égaré. Al-haq, c'est ma'a ulama al-sunna. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami ummati ala dalal. La preuve, c'est que là, vous avez remarqué, ils n'ont aucun savant ma'ahum. Il a des juhal. Allah et ba'dhum, ils ne savent pas parler. Ba'dhum, ils n'ont jamais ouvert un livre. Faqat, ils ont cette mas'ala. At-tarut. Et ils ont appris un verset par cœur. Et ils ont appris un kalam de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim, sur At-tarut. Et c'est ça leur dit. Allah et ba'dhum, ils ne savent pas faire al-wudu. Al-salat. بعضهم والعياذ بالله tellement qu'ils vont loin au lieu de patienter avec leurs proches et kaffar leurs parents والعياذ بالله حتى son père c'est un murtad حتى sa mère et Iblis il a chouwa son aql حتى il voit des tawarid partout صحيح chez lui il croit qu'il y a des tawarid alors que chez lui c'est des masakin ils ont besoin d'aide au lieu de faire des efforts في طلب العلم de les aider de leur montrer d'être un nour pour cette maison il leur fait que du mal il les a rendus kafir. Thumma, il emmène la police chez lui. Thumma, il fait du mal à ses parents et il a gagné quoi. Kathir minhum, ils ont fini dans des cellules et Allah l'aime leur hal. A'oudou billah. Fal nasiha pour les jeunes, c'est qu'ils fassent attention. Apprenez votre din. Apprenez votre din. Din, c'est pas internet. Din, c'est ce genre de livre. Din, c'est le hivre. T'apprends, Inch'Allah, tu feras du bien à toi et aux autres. Et si tu fais pas de bien, au moins tu fais pas de mal. Amma haoula, ils ont apporté quoi à la umma? Rien du tout. Bel, c'est un ukaz. Naam, c'est comme un bâton, les kuffars s'appuient dessus pour faire du mal. Allahu musta'an. Afa hada ma yata'allaq bil hukm bighayri ma anzal Allah. Et ce tafsil, Cheikh Al-Albani l'a cité, Cheikh Ibn Uthaymeen, qablahum Ibn Abi al-Izz fi sharh al-Tahawiyya, كثير من الائمه يسوا على هذا اس الصواب. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فالله سبحانه وتعالى il a pas cité que le kufr pour hukm de celui qui juge par autre que les lois d'Allah. Là, il a cité le kufr, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il a cité الْفِسْقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et il a cité الظُّلْمِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et un tafsir, par rapport à ces ayats et par rapport au tafsir d'Ibn Abbas et غيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عن الصحابة. قال والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله. نعم, le plus grand طاغوت c'est Iblis. Tous ceux qui viennent après l'ont suivi. قال وهو الذي يتجاوز الحد إما أو قال إبليس وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود أو ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام. نعم, ceux qui prétendent connaître الغيب parmi les sorciers, les devins, أو لاس دي طواغيت دي كفر, لأن العلم علم الغيب c'est من خصائص الله جل وعلا. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا. Bien sûr, on a lu كلام شيخ بن باز عن تفصيل طيب في هذا. فهؤلاء رؤوس الطواغيت وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوت. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي, فالرجد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça la guidée, الرجد أي طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والغي الكفر بالله والضلال. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه, فهكذا الكفر لا بد من البراءة من الكفر ومن الكافرين. نتبرأ أي on se désavoue et on le déteste في الله عز وجل. ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك. ويؤمن بالله يعني يصدق أن الله معبوده وإلهه الحق ويؤمن بالشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لذلك. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله comme il va citer شيخ الإسلام à la fin. قال هذا هو المؤمن ثم قال فقد استمسك يعني استعصم. نعم, أي avec cette عقيدة il s'accroche بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. Ça te montre que ce dîn, il est fondé sur cette shahada. Cette shahada, c'est fondé sur deux piliers, al-nafi wal-ithbat. On se désavoue et on déteste le shirk, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, at-tarut, c'est celui qui appelle à hada et qui agrée hada. Ça fait sortir l'anbiya wal-salihin qui sont adorés et ils n'ont jamais appelé à hada. Et on a la conviction que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فبراءة من الشرك وإيمان بالله وحده توحيد. قال كلمة التوحيد يعني فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انقطاع لها, أي لا انفصام لها, معناه لا انقطاع لها. بل من استمسك بهذا بها صدقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة. Donc c'est ça طريقة الجنة. Chacun de nous veut الجنة, الطريق c'est هذا, التمسك بالكتاب والسنة. Tout ça, bien sûr, avec la sincérité, l'ikhlas. قال أن لها حقوقا وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس, فيجب على الجميع المكلفين طاعته واتباع شريعته ولا يجوز لأحد الخروج عنها. نعم, donc notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم, et on a déjà vu هذا, أنه il a été envoyé pour جميع الناس, بل جميع الثقلين الجن والإنس. Personne a le droit de sortir de sa sharia ou croire qu'il a le droit de sortir de sa sharia. Cette croyance c'est نواقض الإسلام, comme il a cité شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في النواقض رحمه الله. قال وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام. Les autres sharia avant celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été abrogées. Donc on doit tous suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jami' al-ins wal-jin. Et bien sûr, on croit au messager qui était avant lui. Lakin le suivi l'un de la sharia, c'est le Coran ou le sunnah. كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية, وقال قبلها سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc الفلاح c'est هذا, c'est نصرة النبي صلى الله عليه وسلم, اتباع النبي عليه الصلاة والسلام Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi il est venu, le Coran ou le Sunna. Tout ça c'est tariqatu al-falah. Et la réussite. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوْعِدُهُ. Et ça c'est jaza, ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. النَّارُ مُوْعِدُهُ. Et son refuge, ça sera le nord. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعْ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِ. Ça montre que اليهود والنصارى وجميع الناس جميع الجن ils ont pas le choix. Ils doivent suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فلا يجوز الآن واحد يدي من اليهود ومن النصارى يدي لكن نون notre prophète, notre messager c'est Moussa. Nasara, ils disent, nous c'est Isa et vous c'est le prophète Mohammed. Là, لأنهم يكفرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, c'est des kuffars. أما نحن, on croit en Moussa et en Isa. Et elle est là la différence. لكن le suivi c'est pour le dernier. لأن il a été envoyé le dernier, il abroge tout ce qu'il y avait avant. Et le khayr al-haq qui était avec Moussa et Isa, il est avec notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. وزيادة. Donc, pourquoi il délaisse la croyance en notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم? C'est ça qui les a fait tomber, fait le kufr et d'autres choses bien sûr. قال والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة نسأل الله العافية والسلامة. هذا c'est ça qu'on vous a cité. Cheikh l'Islam il l'a cité من نواقض الإسلام. أي une croyance ou la croyance qu'il est permis de délaisser la sharia du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et la voie du prophète صلى الله عليه وسلم et l'islam. Ça c'est du kufr bil ijma. قال شيخ الاسلام بعد ذلك وهذا هو معنى لا اله الا الله وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم. قال الشيخ عبد العزيز وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه. C'est ça la conclusion de cette risale. T'as compris les trois fondements dont tu dois appliquer en adorant Allah Azza wa Jal seul. Pas le droit d'adorer un malek, un nabi, un salih, un wali, la lune, le soleil, un djinn. T'adores Allah seul. Limada li annaka t'es un muslim et tu dis la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est une parole que tu prononces et le sens c'est tu témoignes que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Pourquoi adorer un autre? Celui qui adore un autre, son témoignage il est batil. Fahaoula ils disent, ils témoignent annahu la ilaha illallah et كثير منهم والعياذ بالله ils adorent des tombes, ils adorent un wali, ils adorent un djinn. نعوذ بالله. Pourquoi? لأن كثير من هؤلاء ils sont à la jahl. Ils connaissent pas معنى la ilaha illallah. L'importance de ce genre de rasail, connaître le معنى pour pouvoir appliquer. أما comment appliquer une chose et هؤلاء ils l'ignorent. كذلك ça nous montre l'importance de da'wah في هذا الباب. لأن كثير من الناس Robama, si tu lui montres, il comprend et il revient. Et ça, ça nous montre que la première chose dans notre da'wah, c'est ce point. At-tawhid. Qala, rahimahullah, wa ya'buduhu duna kulli ma siwa, wa an yakfuru bi at-ta'ut, wa yunkiru ibadatahu, wa yaltazimu bit-tawhid, wa attiba' shari'atihi subhanahu wa ta'ala, wa ta'zim amrihi wa nahyih. ورأس الإسلام يعني رأس الدين هو الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رأس الأمر الإسلام. Donc la chose principale c'est l'islam et l'islam il est fondé sur cette shahada. قال وعموده الصلاة وهي الركن الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé la shahada à la tête de ce corps c'est l'islam. L'islam c'est fondé sur la shahada. ثم le pilier de ce dîn c'est الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله. Tout tout ça on l'a vu wallahi alhamd dans le deuxième fondement ma'rifatud din wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah li anna bihi siyanatu lid-din wa himayatuh. Et le jihad il préserve tout ça. Lakin avant de parler de jihad tahqiq hadhihi al-umur. Amma al-an kathir min an-nas sont fi dha'f. Wallahi ba'dhum comme on a dit les wasat al-kuffar. Il a aucun poids. Il connaît pas son din. Il est tout seul et il parle de jihad lil nahar. Pourquoi tu brûles les étapes? Commence par le début. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire le jihad, calcule le début de la révélation jusqu'à la première ghazwa, Badr. Tu vas voir qu'il y a 20 ans, taqriban, ou un peu moins, 13 ans à Mecca, thumma, dès qu'ils ont fait le hijra à la Médina, presque 15 ans. Ces 15 ans, pourquoi tu les négliges? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wah, il a montré, thumma, il a eu des suiveurs, hatta hasala khayr. Il parle de jihad et ils font du mal aux musulmans et ils divisent les musulmans. La première étape, c'est se rassembler avec nos savants et nos gouverneurs, montrer le haq, patienter hatta yahsul al-khayr. Lakin kathir min an-nas wal a'yadu billah, ils connaissent pas ces fondements, ça divise. Qala wa bihi da'watu an-nas ila dinillah wa ilzamuhum bil haq فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق والله أعلم. Et pour comprendre ces masail, pour comprendre ton din, الرجوع إلى أهل العلم. المصيبة الآن qui touche la Ummah, c'est que كثير من الناس se sont écartés de العلماء. Cheikh Muqbil, il a un kalam طيب وغيره. Il montre أن الفوضى الحاصلة dans المجتمعات. الآن la cause c'est que الناس ils se sont écartés de أهل العلم. Chacun il fait ce qu'il veut et ça divise. Là Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر ولاة الأمور كما قال ابن كثير, c'est les gouverneurs et les savants. Enfin, une umma qui respecte plus ses savants et qui obéit plus aux gouverneurs fait ta'at Allah bien sûr, cette umma elle se divise et c'est ce qui se passe là. Et l'a'da ils en profitent. Et la cause de tout ça, c'est le djihad. Non, une des plus grandes causes, c'est l'ignorance. Enfin, on fait des efforts, on fait des efforts dans l'apprentissage, la compréhension de ce genre de rasail, al-usul al-talat, wa ghayruha. Et nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, al-tawfiq wa al-sadad, fait réviser ce livre. Walillahi alhamd, on a fini, fait réviser-le, et réviser l'apprentissage par cœur. Alhamdulillah, vous l'avez apprise par cœur. Révisez. Hatta, inshallah, on fait un prochain livre. Le prochain livre, inshallah, ça sera As-Siyam, on continue Sharh Amdat al-Ahkam, notre deuxième dars. Et le prochain cours, on révise cette risala. Et après, on commence Al-Qawaid al-Arba. On essaiera de lire Sharh Sheikh Abdelaziz bin Baz. Il est simple et c'est la suite de Al-Usul Al-Thalath. C'est pour ça que Al-An, ils impriment souvent Al-Qa'id Al-Arba' après Al-Usul Al-Thalath. Les Nas, ça va ensemble. Enfin, le prochain cours, Inch'Allah, on essaye de faire Al-Qa'id Al-Arba' de Cheikh Ibn Baz. Wa billahi tawfiq. Celui qui a quelque chose à dire, ou une fa'ida, ou shay, yatafaddal. Ou naqif huna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.